ma chérie. Rien n'est plus fort que ce qui nous unit. Attends-moi, je vais revenir. On aura plus bel avenir, ma chérie. Je l'ai fait pour nous et pour notre fils. Fallait faire un sacrifice. Ne rien dire à la police. Oh, c'est la dernière fois que je touche à tout ça. Fallait que je paye nos dettes et que je me refasse. J'aimerais que cet épisode de ta mémoire s'efface. Classe, l'année passée. Bébé, oublie tout ça, ne te fais plus de soucis. Cette séparation, tu la vis, moi aussi. Mais tant qu'on est en vie, crois-moi, on a vu pire. On a vu pire, n'en aie pas peur. Bébé, allô. Bébé, allô. Bébé, allô. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bébé, allô. Bébé, allô. Bébé, allô. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand je suis sorti, quand tu sois plus là, tu sois parti avec un autre, avec un autre. Mais tu sais que moi, moi, moi sans toi, comme le ciel sans étoiles. Notre fils a grandi et dans ses yeux brille notre histoire. Viens m'enlacer. Moi j'ai compté les jours, les heures et les secondes. Mais le passé c'est le passé. Bébé viens m'enlacer.